On voit luire partout les esprits sidéraux. On voit la fin du monstre et la fin du héros, et de l'athée et de l'augure, la fin du conquérant, la fin du paria. Et l'on voit lentement sortir Beccaria de Dracon qui se transfigure. On voit l'agneau sortir du dragon fabuleux, la Vierge de l'opprobre, et Marie aux yeux bleus de la Vénus prostituée. Le blasphème devient le psaume ardent et pur, l'hymne prend, pour s'en faire autant d'ailes d'azur, tous les haillons de la huée. Tout est sauvé. La fleur, le printemps aromal, l'éclosion du bien, l'écroulement du mal, fête dans sa course enchantée ce beau globe éclaireur, ce grand char curieux, qu'Empédocle, du fond des gouffres, suit des yeux, et du haut des monts, Prométhée. Le jour s'est fait, dans l'antre où l'horreur s'accroupit. En expirant, l'antique univers décrépit, l'arbre à la prunelle ternie, gisant, et regardant le ciel noir s'étoiler, a laissé cette sphère heureuse s'envoler des lèvres de son agonie.